100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Allez, c'est parti, coup d'envoi de la nocturne, juste après D-Fool, 100% rap français sur Skyrock. J'espère que vous êtes prêts. C'est un long week-end pour certains, la fin des vacances aussi pour d'autres. Et le son de Skyrock pour tout le monde. Rap, 100% rap français dans la nocturne. Avec beaucoup de sons, on va débuter avec les invités de Planète Rap cette semaine entre 20h et 21h. Affaires de famille, c'est le nom de cet album qu'on a pu découvrir entre 20 et 21 dans Planète Rap. La MZ avec le morceau Dans le Bendo pour débuter. Il y aura du son de Nekfeu qui nous a balancé une grosse tuerie, hein, Nekfeu d'un 995. Le morceau On Verra. Il y aura aussi son compère à écouter, à savoir Sneezy, qui viendra bientôt dans Planète Rap présenter son album. Aussi entre 20h et 21h, il y aura du son de Ice MC et puis plein d'autres nouveautés. Restez bien branchés. Dites-nous si vous êtes dans les bagnoles, chez vous, tranquille, posé à la maison. Voici le son de la nocturne, 100% rap français. Coup d'envoi. Planète Rap. 100% rap français. Que mes grands frères pour la rentrée. Je représente mon bloc même dans la cour de récré. À chaque retour de vacances quand on me demande où j'étais, je réponds je suis resté au quartier. J'ai squatté Paname tout l'été. Dans le bendo, dans le bendo, dans le bendo, je suis dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo, je suis dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo, dans le bendo, je suis dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo, avec dans le froc quelques blocs, passe me voir un de ces quatre que je débloque. La routine me tue, la police fait zouk et le bitume devant l'OPJ, je m'appelle têtu. Les gosses me trouvent chaud, je rejoins mon bébé qui me trouve chaud. Pas tellement cocheur mon machin, sur la file de gauche, sur le code de la route, je roule, je laisse mes problèmes à demain. Et direct sur le bendo, bien avant l'époque de la Nintendo, bien avant les Totalis, bye, je suis space, je le sens chaud, je joue pour open ball. Les petits me prennent pour exemple, mais pas exemple, je m'énerve pour rien alors que j'ai pas raison. C'est les voisins qui se plaignent, les négros qui taisent, disant que j'ai pas voulu faire la reconnaissance. Ils veulent faire la même coupe que moi pour la rentrée. Ils représentent mon bloc même dans leur cours de récré. À chaque retour de vacances quand on me demande où t'étais, je t'ai fait ma musique pour espérer sortir tous les petits du quartier hors du bendo. Je te cache pas qu'elle est coupée. Et j'ai de la caille, je crois pas que tu voudrais la goûter. Je me dédouille pas cher, elle m'a coûté. Je suis posé au lys des avec Chavon. Y'a de la teca, on prépare les coups. J'ai pas le temps, je dois faire des sous. Y'a ce temps de diable, je m'en bats les couilles. Jack dans la tête de quoi qu'à torcher. L'as dans ma poche que je vais dépenser. Je vis la street tous les jours sans forcer. 9000 pour les faire danser. Je roule, je fais des tours de pâté. Rue Albert Routine et Réunion Patry. Je mate le gros bout de tout cet aspect. Je vois un peu frappe et mes nagas sont dépassés. Dans le bendo comme dans le rap. Et si ça marche pas, on s'inquiète pas. Par contre tous ces rapports Tommy, on gère les flots comme la coke et les quêtes de plat. On est dans le bendo, avec les tasques du bendo. Y'a qui t'en est dans le bendo. Y'a des busy que dans le bendo. Je mets ma veste que mes grands frères pour la rentrée. Je représente mon bloc même dans la cour de récré. À chaque retour de vacances quand on me demande où j'étais, je réponds je suis resté au quartier. J'ai squatté Paname tout l'été. Dans le bendo, dans le bendo. Plus la compète est malsaine, plus je l'aime. Je te nique ta mère comme Joey et Cool Chain. Au diable les arracheurs de chaîne rêvent tous les jours de croiser la route à 2 Chainz. Khalifa ferait le bonheur de mes dealers, mais Weather de mes braqueurs. Ça pue la merde dans le secteur, pour ça qu'il faut du beef pour fuir le secteur. Même ton producteur sait que c'est nous les meilleurs. MC cesse de jouer le haters. Je rentre dans le game, l'index est calé sur le trigger. Le canon pointé vers ses rappeurs. Oh, puis bébé dans le bendo. J'suis dans le bloc avec Ousmane et Dembo. Dans ce velu barbu à la Kimbo. T'as plus de me guette, j'me la pète comme une bimbo. On vit dans le ghetto, on est sorti très tôt. On a vendu de la dope, on n'est pas des mythos. Les keufs prennent en photo, mes potos, mais la zone on contrôle comme dit Kebe Mutombo. On s'est cul dans le tiek, je me sens comme dans un tank. Comme dans la schneck de la sœur à ta tante. Le diable tourne autour et les fantômes me hantent. J'suis dans le bendo, qu'il neige ou qu'il vente. Que mes grands frères pour la rentrée. Je représente mon bloc même dans la cour de récré. À chaque retour de vacances quand on me demande où j'étais, je réponds je suis resté au quartier. J'ai squatté Paname tout l'été. Dans le bendo, dans le bendo, dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo.

L'équipe de France c'est la banlieue. On n'a pas grandi dans le bon lieu, mais au fond je me dis que c'est tant mieux. Car c'est ici qu'il y a des trucs à faire, qu'il y a des choses à prendre, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a plein de trucs à vendre. Ici qu'il y a des trucs à faire, qu'il y a des choses à prendre, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a plein de trucs à vendre. Tiens, tiens, la banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux. Tiens, tiens, la banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux, banlieue c'est dangereux, banlieue c'est dangereux, banlieue, banlieue, banlieue, banlieue, banlieue. Quant à mes petits frères, je dois leur dire qu'il n'y a pas que la musique et le sport pour s'en sortir. Non. Et que d'avoir souffert, ce n'est pas une excuse, mais la plus belle des richesses pour fonder un empire. Nous ralentir, c'est suicidaire, comme se tirer dans le cœur. Ou bien serrer la mère, la fille, la sœur de Floyd Mayweather. Wesh photo, préfère le grec du coin que les arts culinaires. Oh ouais photo, vive le Raluciano, rien à foutre de Baudelaire. Oh ouais Nico, je préfère la pub d'Oxmo que les pièces de Molière. J'ai écrit ce poème pour le ghetto. One love pour le blood. C'est Sadek, c'est dans les packs. Je préfère la pub d'Oxmo que les pièces de Molière. Banlieue, dans la nocturne. One love pour le blood. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Le clip est arrivé. Il y a une semaine, le morceau de Gradure avec Migos maintenant dans la nocturne. 100% rap français. Puis juste après, il y aura Monsieur Sneezy. Son album qui arrive là pour le mois de mai. Talking shit might drop, people listen to it. Talking shit might drop, people listen to it. Talking shit might drop, people listen to it. Do it. Vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, ah ouais, faut liquide, on prend ton liquide. Dans le rap game, y'a que des salopes. La vie de ma mère, y'a que des salopes. Je sors mon gun, je baisse mon fut. Toutes ces rappeuses, rien qu'elles galopent. Je vais pas m'inventer avec une voix youpoupou pour leur plaire. Trust me, nigga, c'est l'enweed everyday dans la case du lutteur. On t'avance, ta bœuf, faut que tu craches. Mais le dernier Range Rover, négro, faut du cash. Du Gucci, du Louis, Zanotti, Versace. Tu me connais, si tu me dois du bif, je vais pas te lâcher. La misto a vu que Gradure a la cote. Donc son père a demandé d'élever la donne. Elle m'a dit qu'elle était vierge, j'ai pas vu le sang couler. Je vais la yep, faut piller cette salope. Ta gros, j'fais mes bails, j'suis l'ennemi des rappeurs, j'les mets sur la paille. Très easy vodka, j'rentre sur le raté quand le minou est rasé comme Wilton d'Anelka ou comme la Juve, un peu comme les Bleus. Fini la Marseille, Skiri des gueules. Four comme Patrice, carte orange, j'ai chez Gay, squad box, ça va la gueule. Vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, ah ouais, trop de liquide, on prend ton liquide. Lâche des tâches, j'espère sur les guides. That's the truth, I swear. Woo. I might climb to the top, then jump off with a fucking parachute. Oh, R.I.P. my brother Paris. Ever since then I've been deadly. Woo. Ryan jet skis in the Bahamas. My young niggas got the machetes. Yeah. Touchdown them with Guadro. We counting a whole lot of euros. Versace, my shirt and my belt and my pants. But shimmy my shoes, they gold toes. Versace. When I step on the no side, all my amigo niggas they gon' follow. No side. When I pull out the chopper, 100 rounds drum. Oh, vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, ah ouais, contre liquide, on prend ton liquide. Lâche des tâches, j'espère sur les guides. My young nigga, they gonna follow. Load up them 30 round clip with no hollow. We not going back and forth, ain't no convo. I flew to Paris in my plug named Diego. Gradure, Gucci shirt, belt, time for. Finesse the plug and he fell for. Fucking these bitches, they call me a man, ho. I'm a carnivore. I got 2 million and want more. Go and shoot a nigga, no tag on the Accord. Migos legend like Tupac Shakur. Pull up in a drop phantom. Got them young niggas with me with no mantle. Started shooting at them niggas, it was random. Caught that nigga alone like he was a bandit. Vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob. Vas-y, suce mon équipe, ah ouais, contre liquide, on prend ton liquide. Lâche des tâches, j'espère sur les guides. Take out. Chopping and capping the way that them debbing. Take out, man, I should've been the mannequin. Should've your been. Niggas hop out in minivans. Heavy artillery, you gon' need ambulance. Only gas band, need a gas mask. Beating that pop with the spatula, Migo, the Northside ambassador. Just like cause you was a character, action figure, niggas laugh at ya. You niggas wanna be Migo, but you niggas know that you is not a trio. Sit back and observe, I'm drinking on activists. Why you niggas drinking on margaritas? Sad to say this shit, pan out how it is. Check my picket ring, it's Africa here. I'm overseas shopping in Paris, why you niggas shopping at Sears? Man, that shit is lit. Vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon bob.

On n'a jamais changé la rue, elle nous a trop bien dressé. Tic tac, tire, tire, moi je bug et le temps avance. Je suis pas là pour rien en France, faut que j'y laisse ma trace ou mon anse. Je rêve d'une belle vie en vacances, mais je suis dans une mauvaise carence. Faut pas se fier aux apparences, désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Plus t'es méchant, plus les gens vont avoir peur de toi. Mais dis-moi, ça sert à quoi? C'est vrai que la hagla, non, ça paye pas. Tout le monde veut de la peufa, tout droit sorti des Pays-Bas. Sur ma mixtape, je te le dis là, on compte sur un miracle. Rafale comme en Irak, les petits à tous pigibrac. T'es corrompu comme Chirac, si tu t'en tires, ouais, c'est que t'as de la chatte. Serre-moi un verre de cognac, moi la vie elle m'a fait trop mal. Là, on bombarde en RS4, dans le rap, on est venu les traumates. Oh, mat, t'étais au max. Après notre maudit passage, ils te surnommeront Fantomas. Dans la cage d'escalier, j'ai jeté le détail, mais pas l'alias. D'abord, il faut mettre bien la daronne, après, tu peux parler de palace. Ok, tic tac, tire, tire, moi je bug et le temps avance. J'suis pas là pour rien en France, faut que j'y laisse ma trace ou mon anse. J'rêve d'une belle vie en vacances, mais j'suis dans une mauvaise carence. Faut pas se fier aux apparences, désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Tirgo dans la nocturne, 100% rap français. Le projet arrive là rapidement dans les bacs. On en reparlera évidemment dans la nocturne, 100% rap français. Ça continue avec Bilal qui lui aussi sort un projet au mois de mai. Il viendra dans une quinzaine de jours dans la nocturne. Bilal, on l'écoute, on voulait juste briller. Planète rap, 100% rap français. On croit que la vie c'est cool, on traîne dans la zone, préfère sécher la school. On n'écoute plus personne, on sent même plus les coups. On pense qu'à faire des sous, au point d'en devenir sourd. On a nos propres codes, on est tous un peu fous. On veut être à la mode, on flirte avec la foudre. On rêve d'un tour du monde, on veut pas d'une vie de bohème. Qu'on met des choses immondes, on fait du mal à ceux qu'on aime. Donc on fait tout pour oublier, personne pour nous raisonner. Avec les parents, on se demande qui l'on est. On pense avoir du cran, on se dit que faire de la tôle, c'est juste se faire les dents. On grandit sans modèle, donc on imite les grands. Joue les voyous modernes, mais tout fun avec le temps. On se dit que faire des lots, ça fera de nous des hommes. On veut la dernière coupe, palper les plus grosses hommes. À l'aise que pour le charbon, on se fout dans la merde. En fait, on est juste bon, qu'à faire pleurer nos mères. Donc on fait pour tout oublier, personne pour nous raisonner. Avec les parents, on se demande qui on est. On

faut que je me conserve. Le médecin m'a dit que j'étais atteint d'un cancer. Bah oui, j'suis triste, ma parent n'a pas baqué. J'crois que j'suis maudit, j'roule en C5 et mes potes en Audi. J'ai pas un mauvais fond, shit des peuilles, à ça je me défonce. J'ai pas un mauvais fond, couteau et ken, avec ça que j'me défends. J'maigris à vue d'œil, j'me vois déjà dans mon cercueil. Mes larmes veulent plus couler, cheveux en pétard, poteau à la Coolio. Ma femme m'a quitté et mon gosse m'a oublié. J'suis seul à l'hôpital, j'paye de ma poche car j'ai pas de carte vitale. La vie s'est acharnée, j'crois que le chétan MC m'a charmé. Mon pote contre moi veille démon, paye une personne pour qu'il me démontre. Allongé sur mon lit, il m'a retiré la vie. Je regarde le ciel, où es-tu Yahweh? Je regarde le ciel, où es-tu Yahweh? Plus de cancer qui me tourmente, personne à mon enterrement. Je regarde le ciel, où es-tu Yahweh? Je regarde le ciel, où es-tu Yahweh? On est pareil, hey. Et toi tu veux me canner. On est pareil, hey. Et toi ma vie tu veux me l'enlever. On est pareil, hey. Et toi tu veux me canner. On est pareil, hey. Et toi ma vie tu veux me l'enlever. Le Black de K3, Boma et musique. Hommage à ceux qui sont partis en année 2014. 2015 c'est à nous. On arrive, on est pareil, hey. Au moins une musique. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ice MC. C'est la nocturne avec Omerta. Millimètre chargé, cannabis de Kingston. Si je suis recherché, tous mes petits missions. Si tu me dois des papiers, Smith et Wesson. Quand il y a des papiers, je te retrouve au sous-sol. En ce moment dans le quartier, ça doit de Dixon. Ça parle en pleine ferme, ta vraie nature qui ressort. Soit tu les fais trembler, soit t'as Parkinson. Ta parole est une femme que n'importe qui dit. Dans le ketchup seul dans un parking sale. Faire cracher le seum et les litres de Sky consommés grâce à mon oseille tous les samedis soir. Paye tes dettes, tu auras pas d'histoire. Ferme tes fesses à l'interrogatoire. T'as donné des bigots privés du territoire. Tu joues les gangsters fiers dans un entier car attends, tu parles comme si tu t'avais des billes, j'ai des caisses d'épargne. T'es en reste, tu morfles à la casse des parts. Viens, la tête t'es mort, on va te faire du max. Snitch, snitch, snitch. Omer, t'as la loi du talion. Tiens ta langue, bico. La rue n'entend pas ton pardon. Tiens ta langue, bico. Se répandent et même si tu t'endors, le doigt sur la détente. Filature 5, 30, pétante. Même Bico savent quel club tu fréquentes. Pareil que tu veux faire partie d'un vrai gang. De quel chat sors-tu? Ta parole sanctue. Si on s'entretue, si tu nous donnes, on arrive dans ta race à 3-3. Mini bang bang bang dans les jambes. Mini bang bang bang dans les jambes. On arrive par derrière, par la gauche, par la droite. Mini bang bang bang bang bang dans les jambes. Violence gratuite, où les armes sont offertes. Les traits espérés pour que tes frères te perdent. Les tartinards se tiennent hors de portée des portes. Que les guetteurs débordent avant le claquement des portes. Les murs ont des oreilles, surveille tes paroles. C'est ta bouche qui t'escortera jusqu'à la mort. Omerta, c'est la loi et le silence du gang. Omerta à la moelle, tes poutons, tiens ta langue. Je me souviens du calme avant la perquise, du charme avant la traîtrise. Monte pas ton entreprise sur une terre prise, ou c'est la rafale dans ton pare-brise. SO, LFG, la tour, la JPSO. Mes bico font sauter tous tes vaisseaux. Frère, on est là par amour du peso. De l'hémoglobine en ruisseau. LFG, la tour, la JPSO. Mes bico font sauter tous tes vaisseaux. Frère, on est là par amour du peso. Omer, t'as la loi du talion. Tiens ta langue, bico. La rue n'entend pas ton pardon. Tiens ta langue, bico. Cette planète rap. La nocturne. Quand je rappe, je parle de moi. T'as l'impression que je parle de toi. Faut que tu crois en toi. Tu peux un jour ne plus avoir de toi. Tout le monde se plaint, ceux qui se plaignent pas, c'est ceux qui manquent de rien. T'as tout ce qu'il faut, mais tu m'arranges. Gamberge poteau, je demande de rien, tout part de rien. Les souvenirs, on garde les barres de rire, les barres de fer qui frappent les crânes. Mais sur le moment, ça fait pas rire, la haine s'enraye. Toujours les mêmes produits, même appareil. J'ai de l'amour que pour ma mère, pas de confiance aux femmes apparelles. Les belles paroles, ça dure qu'un temps. Trop de à ce qui paraît, l'amour c'est comme un joli rêve. Quand t'ouvres les yeux, il disparaît. Trop d'argent sale, donc la violence ne cesse d'escalader. Ça marche avec des armes, gilets par balles pour se balader. Plus armes à feu que karaté. Pas de chance, on l'a raté. Pétasse sur le canapé, j'ai rien faire d'autre à paraper. Je gamberge le soir, je me dépétage, je regarde le ciel. Y'a pas de soleil, tombe des rafales de putain. On fait tout pour la thune, on veut tout payer comptant. On passe pas à deux mètres, tant que l'on passe du bon temps. J'ai trop squatté les halls comme toi, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps. On fait tout pour la thune, on veut tout payer comptant. On passe pas à deux mètres, tant que l'on passe du bon temps. J'ai trop squatté les halls comme toi, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps. On voit des scènes qui choquent, alors on se dit que le monde est fou. Je me dois de faire des phrases qui choquent, pour ça il me faut des mots de fou. Quand t'es petit, tu veux du bif, tu penses que l'argent c'est tout. Quand tu grandis et que t'en as peu, tu fais avec, un point c'est tout. Dans ce monde y'a tout à prendre, mais parfois faut savoir donner. Poteau, fais ce qui te plaît à toi, ne fais pas ce qu'on t'a ordonné. J'suis trop pensif, j'gamberge beaucoup trop hard des leçons. J'ai tout appris tout seul, crois-moi, personne me donne de leçons. Arrête ce qui te fait du mal, prends de bonnes résolutions. Y'a ceux qui trouvent des excuses et ceux qui trouvent des solutions. On pense qu'à soi, dans la vie, faut donner pour recevoir. Ne déçois pas tout ce que t'aimes, suffit de rien pour décevoir. On rêve d'apercevoir une petite lueur d'espoir. Il suffit pas d'avoir l'espoir, n'écoute pas tout ce qu'on laisse croire. Baisse pas les bras, laisse pas tomber ce que t'entreprends. Car à chaque fois que tu donnes, poteau, dis-toi qu'un autre. On crie pour la thune, on veut tout payer content. On passe pas à deux mètres, que l'on passe du bon temps. J'ai trop squatté les rôles, comme quand j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps. On crie tout pour la thune, on veut tout payer content. On passe pas à deux mètres, que l'on passe du bon temps. J'ai trop squatté les rôles, comme quand j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps. Comme un boomerang, les souvenirs partent et ils reviennent. Quand tu vois plus certains potes, tu demandes pas ce qu'ils deviennent. T'en as beaucoup, mais de vrais potes, dis-moi, t'en as combien? Arrête ta flûte, tu pas une pute, me demande pas, je prends combien? T'as la justice au cul, ici des boules te prend ton bien. Si tu veux faire des choses, poto, fais partie de ceux qui le font bien. J'assume tout ce que je fais, si t'aimes pas, c'est ton problème. Poto, je galère autant que toi, chacun sa merde et ses problèmes. Beaucoup croyaient que tout allait bien. Je consomme pour aller mieux, même si t'as fait ce qu'il fallait. Certains te diront, fallait mieux faire. Parle pas, fallait le faire. Je suis conscient de ce que je peux pas faire et de tout ce que je peux faire. J'y crois, tu peux, frère. Si tu prends pas soin d'elle, un autre le fera à ta place. Si tu hagar MT, un autre te remettra à ta place. Ça prend du temps, mais là on finit toujours par tourner. À force d'aller tout droit, un jour tu finis par tourner. Par tourner, par tourner, par tourner, par tourner, par tourner, par tourner, par tourner, par tourner, par tourner. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps. On fait tout pour la gueule. Payez content, passe pas à deux mètres, passe du bon temps. Kamikaze de la Liga One Industrie.

chaud aujourd'hui. Les conquêtes et les colonies, on a déjà vu le résultat de ces conneries. Alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer par la haine malsaine d'un déséquilibre mental? Je vous rappelle qu'il prône la ségrégation raciale. Je vous rappelle encore que cet homme n'est pas normal, et ce depuis la déconvenue de la guerre d'Al. Chéri qui n'a pas digéré, mais nous on s'en bat les couilles, on n'était pas là. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mathématiquement c'était sûr, ce passé chargé n'a jamais ce qui est plus sûr. Pour le futur, c'est qu'on aura droit à ce même climat, à ce même climat, à ce même climat. Session pilier du rap français dans la nocturne, Assassin maintenant. Le morceau s'appelle Shoot à Babylone. Après NTM, Assassin. Et peut-être qu'après Assassin, on se fera un son de Solar. Oppressante. Accroche-toi à la rythmique, surveille la descente. Car la montée, elle sera comme toujours assassine. Comme un fil dans une aiguille, la précision touchera sa cible. Le micro dans ma main, le retour de l'assassin. Why, why? Choisis ton chemin, car le nôtre se trace à coups de tonnerre musical. On fume le funk et le rock crash en freestyle. Pas de problème, man, nous restons underground. Sous la couverture des quartiers qui délirent sur notre slam. On ne fait pas de copinage avec le gratin musical. Préférant de loin vendre moins, mais garder la patte d'une balle. Cette vision est radicale mais réfléchie, car la musique se propage aussi de façon illicite. Les cassettes circulent et la masse agite, et la masse cogite. Il faut vite arrêter l'émancipation des chansons à thème, traitant des réalités mettant en danger le système. Vraiment, je ne crois pas qu'une chanson pourra changer la condition des hommes. Pourtant, on vérifie que l'audimat reste dans les normes. On est loin des jardins de Babylone. Alors on prend les rênes en main et par le biais du symbole, on demande à tous les possibles de s'unir pour shooter Babylone. L'Africain est mon frère, le musulman, le juif, je respecte leurs prières. Individuellement, le choix de chacun est propre à lui-même. Vu de l'espace, l'histoire de la Terre est pour tout le monde la même. Mais si on se rapproche, on voit qu'une Porsche motive plus d'amour qu'une mère qui nourrit ses gosses. C'est fou de voir tous ces gens attirés par l'argent, comme le requin attiré par le sang. Je suis né et je vis à Babylone, là où les enfants tu dis les vols. Wow, yeah. Alors accrochez-vous car maintenant nous chutons Babylone. Exerce des structures dirigeantes en métropole à l'égard des minorités qui forment une majorité sur ce globe. L'ennemi de ce système s'adresse à toutes les personnes qui ont encore espoir que ces horreurs cessent. Babylone et moi, nous ne dirons pas ensemble la décade dont je n'aime pas. L'oligarchie est présente dans les rues de Ripa. Le futur dépend de notre action présente, ne l'oublie pas. Si tu restes statique, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. Si tu t'en occupes, regarde au chien le garde de l'État. La pression constante d'évoluer en terrain inhospitalier fait monter la parano. Monte le débat à un autre niveau. Ça y est, le flot de mes mots résonne. Smoke up Babylon. Rhythm come power, come power, come power, come power. Be the way, be the way, jump it on the way, jump it on the way. Give it to them, give it, give it, give it, give it, give it, bounce it down. No respect for the sound for one, two, oh, double S E. As our mic was here, best in G. Daddy Mori. Hey, hey, hey. Lord of mercy, na bidi di bidi di bidi di bossa fe. Reggae music, man, I'm it. Reggae music, do it good. Reggae music, hey. Reggae music, man, man, man, man. Reggae music, man, I'm it. Reggae music, do it good. Reggae music, hey. Reggae music, stop it. Company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, company me, Au sud pour la mort, on innove pour te mettre dans un sac qui sera mis dans une alcôve. Dans tous les pays de la terre, on connaît bien la Kalachnikov. Le bel Kalachnikov, même si tu parles Wolof. Donc même que les militants, pas les militaires, pas les colonels, pas les colonies. Que les militants, pas les militaires, pas les colonels, pas les colonies. Que les militants, pas les militaires, pas les colonels, pas les colonies. Que les militants, pas les militaires, pas les colonels, pas les colonies. Je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Kevin James. Je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Je ne veux pas aller au service militaire.

lèvres, éclairée au néon. Deux heures déjà qu'elle fait les 100 pas, et dans le sac, toujours pas un rond. Trottoir, glock, bar, sale, bagarre d'ivrogne, les talons frappent le goudron. Au feu rouge, un mec klaxonne, elle en a marre de cet air qui passe, repasse. La condamne, blesse son âme, et 10 mètres plus loin se marre, ça marche pas bien aujourd'hui. Les mecs n'ont pas envie à cause de la pluie ou la vie. Le sexe perd face aux soucis, un manteau, un parapluie, l'enfer en costume gris se rapproche. Son regard fuit, elle dit son prix, c'est parti, s'ouvre la porte, couloir vers le purgatoire. Pour elle, l'histoire tourne tel un train fantôme de foire. De sa rue au glisse par des bas noirs, miroir. Dis-lui qui est la plus belle, ne la laisse pas croire. Seul le soir, que les fées se foutent d'elle. Belle au bois dormant pour un matelas sans ressort, ancré à son sort. Comme un bateau usé, jamais ne sort du port. Blanche neige à croquer le fruit amer. Sans amertume pour eux, elle n'est qu'une pute pour son fils. Elle reste une mère, une peau d'âne, princesse le jour, esclave la nuit. Mais les escarpins sont maudits, il ramène Cendrillon vers son toji. Les murs témoins de l'étreinte, plus bref que tendre capture. Son regard rêveur, seul remède contre la démence. Sorti par la fenêtre, un cri sans bruit hante les rues sans vie. Sorti par la fenêtre, un cri court dans la nuit. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. Encore une tombe à fleurir, un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle, un cri court, personne n'entend l'appel. Encore une tombe à fleurir, un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle, un cri court, personne n'entend l'appel. Encore une tombe à fleurir, encore une tombe à fleurir, encore une tombe à fleurir. Alright now, alright now, alright now. Cent pour cent rap français, planète rap. La nocturne. J'apprécie les chansons qui parlent de crâne comme moi. J'apprécie les chansons qui parlent de crâne comme moi. J'apprécie les chansons qui parlent de crâne comme moi. Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double S n'est pas du tout comme tu le crois, malgré les apparences. Le 3 quart le cosse à la caïra. Mon cerveau a déjà élaboré des plans de chara. Doté d'été d'une rapidité intarissable. Le connaissance cœur tracé, moi t'emmène dans l'autre sens. Je n'ai plus aucune chance de trouver de mort naturelle. Il court. Toujours de plus belle. Suivi à la trace et activement recherché. Toujours sur ma trace, tant pis, je veux quand même des nages. Et chevilles, toujours plus haut, oui. Le deal et le gun, c'est notre dernier nespi. Je ne veux plus tenir les murs de notre dé. Si, ne crois pas que je veuille faire un stage à bois d'arcy. Trop belle de béton pour un vulgaire larcin. Je ne veux béton que pour quelque chose qui vole bel et bien. La peine, béton pour avoir tué 3 ou 4 personnes à peine. Qui aurait voulu du mal à ma première mifa, à ma seconde mifa, Tintin, Woody, Delta. Mais n'oublie pas, ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est qu'il y aura tout le temps derrière moi, ma smala. Le sacré phénomène a vécu comme un kiss. Un K-I-double-S, fils du vice impliqué dans le biz. Quand j'étais jeune dans la rue, j'ai su que dans la banlieue, pour s'en sortir de vos êtres vicieux, c'est la vie facile. Nesby et Jill, tu deviens une menace pour toute la ville. Un gangsta style où je me montre habile. Le païen flip quand je trippe, il a peur que je lui rote son shit. Quoi que non, ça c'est l'heure du business. Pas de promesses, mais moi en cash, en espèces. Car j'aime la thune et je veux faire fortune. Sans travailler comme un yinche et subir le stress. Les kiss démons peut-être à l'œil, en tout cas sont jamais venus à mon seuil. Pas de preuves mec, non pas que je sois honnête. Mais le TIN est vicieux et malin. Pourtant le quartier en a baisé plus. On va et vient entre la maison et la zonzon. Putain j'y ai pensé, aucune envie de plonger. Surtout que ma mère me disait le quartier pourrait aussi t'inspirer de tromper. Un quotidien malsain sur les bords de cette cité. Le Val fourré, tu en as sûrement entendu parler. Dans la soirée, quand les halls d'entrée sont bondés. Aux heures de pointe, impossible de respirer. Wesh, qui est dans le Z, le mec? Et qui t'as du business ici là? Moi! Et j'ai longtemps opté pour ce choix. Qui est de surcroît, ma porte à Yaska. 3 cacos, la Kaira, qu'est-ce qu'il y a? Sur les points, baisse ça! Nesby, en mort de la jaune, les jaunes. Le deal et le gang, ça style. Pam, pam, deal et le gang, pam, pam. La scène, ça se pourrait. Peser le pour, le contre, le pour, le contre. Pour me rendre compte qu'en fait mon esprit part en couillac. Fou de la trouille, il en faut. joue la Arrakis. Ouais, mais c'est un peu léger. Ouais, mais la prochaine fois, je te servirai mieux, ok? Bon, Rock, carotte, carotte, car comme un tabé, tu t'es baisé, phasé, phasé, phasé. Il t'avait partout, t'as une tacaillasse, ton genre. Mais tu ne le diras rien, tu te la joues, tu ne fais rien. Mais tu ne le diras rien, ne joue pas les malins. Amante, la loi du plus vicieux et le respect. Emblème de l'esquive, des contrôles te respectent. Hey, hey. Bah, qui vous nous capalez comme ça? Moi? En capalé, parlez-moi énervé. Bah, tout le monde qui capacé, c'est couillon qui fait nous net. Net Subaru, je le suis depuis que je suis tout petit. Ce doit être ma couleur qui favorise mon. Le chef, chevy, passe pour le funky style. L'homme qui vient de la Martinique, trois gars, la racaille. Rêve de vivre plus haut, devine le banditisme. De l'argent plein les chevaux, j'atteins le paroxysme. Pas de soucis, hein, oui, des express dit. Pense à du genre de Nesby, pour devenir très chéri. Je sais que je ne suis pas un conk. Donc, mais mon intelligence au service du crime n'est pas quelconque. Ainsi j'ai d'abord des plans de cage, voir de ce cas. Sous la méduse et des tarbes, le nez sous barou devient fouve de souffle. Les coups, le devait les fêtes, je l'avoue, mon esprit par en Yoku. Danse sous mon corps, ça style. Ne chier, pas de 10 minutes, face à Mr. Funky. De bain, écoute plutôt ma philosophie. Elle me vient de nombreuses observations que j'ai fait sur Mante la Jolie. Celui qui fait de longues et hautes études, réussit tant bien que mal à se payer une villa dans le sud. Celui qui n'aime pas l'école et préfère le Nesby. En fait de même, et quelqu'un le chien, j'ai des tombies. Or, je n'ai pas fait d'études, mec. Et j'aimerais avoir votre provision pour faire mes chèques. Un beau garci, une Mercedes, des noches plein mon duplex pour que je leur tape les fesses. Frère, il faut que j'y arrive. Par tous les moyens, car mon esprit part à la dérive. Mon esprit part en. Express D. Gros gros kiff de réécouter ce morceau. Mon esprit part en. Yoko. Cette planète la nocturne. East et Fab dans la nocturne 100% rap français. Une grosse dédicace à Cut Killer qu'on retrouvera 22 minuit sur Skyrock tout à l'heure. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on dit qu'on pense. Notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Les mots vrais traversent le temps mais pas les mauvais. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on dit qu'on pense. Notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Les mots vrais, les mots vrais. C'est mon flow qui coule sur les deux rives, la gauche, la droite, j'ai pas. Place l'upercute au plexus, l'adversaire se carapate. La masse de mon poing lyrical pèse lourd sur ta face. Vu la pression que je mets dans mes rimes chaque jour qui passe. Normal, mes injections verbales imprègnent ton mental. Souvent fatal, tellement de victimes que mon style est légal. Sans égal, quand je m'étale, hurlant sur l'instru. Ne connais-tu pas la légende, un coup de langue je tue. Sur le code killer show, toujours plus qu'il ne t'en faut. E-A-S-T dans le mix, ouais. D'un coup de croc, je mets les points sur les i. Le fait fou qui quand l'envie m'en prend, tu joues les grands. Mais en fait t'es qu'un petit, il paraît que si ou ça, on dit ce qu'on veut gars. Mon attitude reste la même, faire le plus de dégâts. Parmi la population de faux qui check les micros pour brancher des nymphos. Comportement idiot, en garde. Les projectiles viennent tout droit du sous-sol. Je vole de mes propres ailes en tête, je caracole. Sur mes guibolles, je tiens comme un rock. Tiens-toi le pourdit, autour de l'heure du crime marine. Pervertis les esprits, en garde. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on dit qu'on pense. Notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Les mots vrais traversent le temps mais pas les mauvais. En garde. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on dit qu'on pense. Notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Mon vrai, mon vrai. Dès que je t'entends, je te hisse tant. Dirai pas tant, un truc est pas tant. S'empare de moi, c'est dur, ne dure qu'un instant. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. C'est pas que des vers en place, un frère, un fils ou l'homme qu'elle aime, un type que je kiffe, manque sa présence quand même. Jamais je m'étais dit ça avant. Mais le temps passe et laisse des sales traces. Pas besoin d'être savant pour savoir qu'ici c'est juste un passage. Qu'on soit un ange ou passage, un type qui a vécu ou un gosse en bas âge. Mauvais présage, entourage, déconvenu. Combien autour de nous sont déjà partis, jamais revenus. Main dans

par contre si t'es pas comme moi, prends ça comme une mise en garde, une grosse mise en garde. Cavale ouais, j'fais des bénéfices quand t'en mets c'est là. Tu vois ce que je veux dire? Bon ok, j'pose mon paquet de riz là. Crois-moi que c'est pas pour rien non man. De quoi un bout de ton car? Non, j'préfère les flics marocains. Oh merde, y'a plus de salade. C'est pas grave, le chocolat c'est bien. Y'en a que ça rend malade, et moi ça me met bien. Tu vois ce que je veux dire cousin? La putain de France des putains de Saras dans le sud des merdes. Ça me ronge le cerveau là man. Ça me ronge les poumons mec. Mais ça me met bien. Mais attention, je ne vais pas me parler de conneries, man. Je marche au vert et rien d'autre pour me mettre Jeff. Lion à la production, SPLIFF dans la nocturne pour conclure. C'est fini pour la nocturne 100% rap français sur cette session classique. J'espère que vous étiez bien. Vous avez kiffé le son, j'ai vu tout, mais ça, je fais plaisir. Continuons à en balancer plein avec le hashtag Skyrock. Prochaine nocturne dans une semaine. Et rencard entre 20h et 21h pour Planète Rap dès lundi. Ciao, Fabulo au contrôle. Rap R'n'B en non-stop. Du rap et du R'n'B non-stop. Skyrock, rap et R'n'B non-stop.